Et voici maintenant une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. L'illusionniste Joseph W. Burrus, un échec écrasant. En 1990, l'illusionniste Joseph W. Burrus a 32 ans. Son idole est le très célèbre prestidigitateur américain d'origine hongroise, Harry Houdini, mort, semble-t-il, d'une péritonite le soir de l'Halloween, il y a 64 ans. Au fait, c'est aujourd'hui, le mercredi 30 octobre, et la petite ville de Fresno, en Californie, se prépare justement à fêter l'Halloween. Joseph Burrus a préparé un impressionnant tour de magie qu'il va effectuer au Blackbird's Family Fun Center, 4055 North, Chestnut Diagonal. Il a, comme tout magicien qui se respecte et respecte son public, testé auparavant son tour de magie, mais plusieurs observateurs, dont son assistant J.D. Bristow, tentent de le dissuader. Trop dangereux pour certains, folie furieuse selon d'autres. Même Randy Rae, le directeur de la station de radio locale KTHT-FM, refuse de promouvoir l'événement sur ses ondes et conseille fortement à Burrus de laisser tomber l'idée. Mais il n'en est bien sûr pas question. Le magicien arrive en soirée dans le parc d'attractions dans une limousine blanche. Il en sort en costume et souliers blancs, fait quelques tours classiques pour les spectateurs qui se groupent autour de lui, environ 150 personnes, dont ses deux enfants, Joey 13 ans et Joshua 10 ans. Il est maintenant temps de présenter le clou du spectacle. Joseph Burrus se fait attacher par des chaînes, les mains dans le dos, puis déposé dans un cercueil de plexiglas. Cercueil qu'il avait construit de ses propres mains et dont, selon certains, il aurait colmaté une fissure avec de la simple colle. Le cercueil est alors descendu en terre, puis, ayant atteint le fond du trou, il est recouvert d'environ 7 tonnes de ciment. Bien entendu, le but du spectacle est de parvenir à se libérer de cette prison en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Alors que le niveau du ciment se situe à environ un pied sous le niveau du sol, un des assistants s'écrie « Stop !» mais un autre répond « Non, non, il veut que le ciment atteigne le niveau du sol, on continue à remplir. » C'est alors qu'un bruit sourd de craquement se fait entendre et le bloc de ciment s'enfonce soudainement de plusieurs pieds. L'excavation, par les secouristes, prendra une quinzaine de minutes. Joseph Burrus sera trouvé mort, écrasé dans ce cercueil transparent. Houdini avait toujours été son idole. Tous deux sont morts à l'Halloween. Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou.